gobelet. Si t'as des grammes sur roi, t'es calé que gobelet. Hap, t'es calme, voilà strong, t'es calme. On rap fait plus de bruit qu'une grosse pécane. Te mets des bastos dans les cannes, calmement. NSO c'est mauvais gars et mauvais garnement. Entouré de gars c'est d'armement. C'est tard, tard, pour tout pour faire des bars. Bar, car bar, bar et le gouvernement. Fini le temps où petit portait le cabas. Ici c'est pas cas, t'as plus qu'à faire la bronca. Comme à la boca, j'mets le paquet. Et j'vois son pizzeria à ton cas. Et du shit y'en a au taquet. WPT, y'a en Miranda. Et le parti d'Oldem qui s'annonce lourde. Comme les grosses mains à mon Honda. J'suis pété, il est 7h du matin. On squat dans les endroits où y'a plein d'excités. C'est pour les frères en bas des hauts qu'on remet ça. Pour tous les frères qui sont en taux, on remet ça. C'est pour les frères en bas des hauts qu'on remet ça. Pour tous les frères qui sont en taux, on remet ça. Respect au grand Péoriton, mon frère parti trop tôt. Que Dieu paie à leur âme, pas besoin d'armes pour jouer les costauds. Va-t'en, plus poliment casse-toi, j'suis claustro. J'dors pas, j'fume trop, j'suis parano comme toi. Moi aussi j'veux niquer Nina, mais faire la belle comme Nino. Bakamovic featuring Stromanino. NSO style, aïe, papa, papa. Un gros joint de bœuf collé dans la caisse. Serré sur la banquette, c'est Kingston. Croirait dans Shooter, ça fume dur. Pendant que les bouteilles se vident, ça dure, dur. Ça carbure, dur. STRO, les STRO de côté. J'suis vu les boys côté en stéréo. Avec Vaca El Roros. STRO et moi, nous on a les Gororos. C'est pour les frères en bas des hauts qu'on remet ça. Pour tous les frères qui sont en taux, on remet ça. C'est pour les frères en bas des hauts qu'on remet ça. Pour tous les frères qui sont en taux, on remet ça. C'est pour les frères en bas des hauts qu'on remet ça. Pour tous les frères qui sont en taux, on remet ça. C'est pour les frères en bas des hauts.